De Nino Blair, elle est paro. Je sais pas ce qu'il a ce petit vitrio, mais franchement c'est un barreau. Pour faire des sons comme ça, cherche pas, faut être un barreau. C'est dans ta tête, y'a un truc qui va pas, tu caches des trucs paro. Y'a des mecs timides et discrets qui au fond sont de vrais barreaux. Semblent inoffensifs et distraits, mais leurs secrets sont paro. Un mec qui parle peu, souvent les gens le trouvent paro. Un mec qui t'en veut, te donne des raisons d'être paro. Y'a des lâches qui se la jouent et veulent se faire passer pour des paro. Un jour ils prennent des coups et laissent leur orgueil sur le carreau. Faut jamais en faire trop, car dans la rue y'a des mecs paro. Tire le mauvais numéro et ta vie peut être le tarot. Les mecs qui ne braillent pas mais agissent sont des barreaux, anticipent plus qu'ils ne réagissent. Barreaux, toujours un coup de feu d'avance, c'est la mentale des barreaux. Si ses yeux ne trahissent pas ce qu'ils pensent, c'est que c'est un barreau. Barreaux, fumer un mec, c'est barreau. Vivre avec ce poids dans la tête, c'est un truc barreau. En plus si tu te fais choper, c'est direct derrière les barreaux. Juger aux assiettes, tu joues gros, l'enjeu est barreau. Faire une peine sans recevoir de mandat, ça c'est barreau. Dehors, plus personne pense à toi, ça te met barreau. Face au maton raciste, frustré et fasciste, personne te protège et en plus personne t'assiste. T'es barreau, tes droits sont mis à l'écart, t'es barreau. Le placard dans le placard, le métard, c'est barreau. Coffre du bédo à l'extérieur, ça paraît paro, mais c'est le prix de la dépendance à l'intérieur, c'est paro, paro. Il laisse circuler le shit pour que les détenus tiennent à carreau. Fabrique la paix sociale chez les cas sociaux. Sinon c'est l'explosion parce que le réveil est paro. Quand je pense que l'état préfère que les miens sommeillent, je suis paro, paro. La manipulation, c'est paro. Tenter de voir ta télévision, faut rester paro. Ce qu'ils disent n'est pas forcément ce qu'ils font, alors sois paro. Je rentre pas dans la danse des moutons, je suis trop paro. Force de salir les musulmans, forcément les gens sont paro. Un robe barbu dans un avion, tous les passagers sont paro. Quand je pense au 11 septembre, c'était quand même un truc de paro. C'est austère, c'était un complot, comme Bigard et mec paro. Prétendre imposer les droits de l'homme à coup de bombe, c'est paro. Marcher sur la tête du monde en ranger, c'est paro. Le génocide des Amérindiens, ça c'était paro. Ainsi sont nés les Américains, les plus paro. Expulser un gosse en charter, c'est paro. L'arracher du système scolaire, c'est paro. Le renvoyer à la misère, c'est paro. Puis partir en vacances à Val d'Isère, c'est paro. Y'a des trucs pour les faire, franchement, faut être un paro. C'est comme insulter ses parents, c'est sale, salement paro. Séquestrer sa fille et la mettre enceinte, c'est paro. On trouve ça tellement paro que chez nous on dit que c'est parox. Paro, big grave de l'héroïne, c'est paro. Des victimes construisent leur tombe, toi une piscine, c'est paro. Mais ce business porte la poisse, c'est prouvé, c'est paro. T'étonnes pas si t'es éprouvé et qu'il t'arrive des trucs paro. Paro, un mec qui veut tout savoir, on trouve paro. Surtout qu'on sait même pas ces histoires, ça nous met paro. Tout le monde va en prison, toi tu sors, c'est paro. Dans la tente de l'air, ta déposition, la rue est paro. Ta boîte fait des bénéfices, pourtant t'es viré, t'es paro. Les boss sont préparés, les parachutes dorés, puis ciao. Ton compte est débiteur, t'es essoré. T'es paro, obligé de séquestrer ton PDG et de le mettre paro. Ton pouvoir d'achat ne fait que diminuer, t'es paro. Pendant que les prix ne font qu'augmenter, ça c'est paro. Les gens vont se rebeller, il va se passer un truc paro. Regarde les Antillais, ils ont dû mettre la France paro. Tu paies pas tes impôts, ATD, ils te mettent paro. Pendant que Jérôme Garviel fait mumuse avec des euros. C'est ta confie et tes thunes à Madoff, oh c'est paro. 60 milliards de dollars, c'est des sommes qui nous mettent paro. José Bové dans un McDo, c'est paro. Ingrid Betancourt, les Farc nous misent paro. Demande à Patrick Deal s'il sait ce que c'est que d'être paro. Il a fait 15 piges pour rien en échange d'un million d'euros, c'est paro. Deux albums en un an, c'est paro. Tellement je vous aimais la pression, on peut dire je vous aimais paro. Tu demandes quand je vais m'arrêter, t'attends le refrain, c'est paro. Pendant que tu bouges la tête, c'est la fin, c'est paro.